touch it and tease it and squeeze it. But my piggyback is hungry, my nigga, you need to feed it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated, ayy. He said he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board. But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? Sale de mi traje, no traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Body, I already know how to play. But work it, keep it tight every day. And I know you need a taste. Now, ooh, you're falling in love. Give a little ooh, ooh, get it well done. Dancing on my ooh, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. Porque I am the party, it's a fiesta. Blow out your candles and have a siesta. We can try, but don't know what can stop me. What my talkie-talkie wants, get my talkie-talkie gives. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Je suis ultra fan de ce hit, Lady Gaga plus Bradley Cooper. C'est cool ça, surtout à cette heure-ci. Ça fait du bien sur Energy. Et puis voici un passage de l'émission de Mickaël qui commencera dès ce soir sur Energy à 23h. C'est l'heure du 2 secondes, je te reprends avec Augustin qui est avec nous à Lyon. Bonsoir Augustin. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Augustin, 18 ans à Lyon, comment ça va? Ah bah pour le moment, ça passe super. Bon, bah, écoute, pas mal de t'appeler comme ça. Tant mieux, pourquoi? Bah, c'est stylé. Augustin. Bon, c'est pas stylé, ah, mais c'est Augustin, quoi. Bah, moi, j'aime bien. Ouais, bon, t'as pas demandé ton avis. Genre Auguste et tout, c'est bien. Ouais, ferme-la, oh là là, Lou. Ah, bah oui, ouais, évidemment, elle préfère les prénoms à consonance française. C'est grave. C'est grave, des propos comme ça, c'est une honte. Bon, Augustin, alors, t'appelles pour le 2 secondes, je te reprends, nous allons jouer ensemble maintenant. Tu vas donc. Oui, bon, on a compris. Tu vas donc, Augustin, choisir quelqu'un dans l'équipe que tu vas devoir affronter. Tu veux donc jouer contre qui? Ah, on va jouer la facilité, je vais prendre Polo. Tu vas prendre Polo. Bon, on y va, Augustin, tu commences ou Polo commence? Attends, une seconde. Tu commences ou Polo commence? Oh, je préfère qu'il commence. Quand même. Tu commences, d'accord. Enfin, c'est comme si Polo commence. Bouge pas, c'est un match de foot et Bermondé, l'arbitre, il fait bon, vous perdez un point, je vous en double deux. C'est la même chose. Ça, lui-même ne comprend pas. C'est comme tes conneries de règles à deux balles, ta gueule. Il est devenu fou. Quoi, tu veux que je sorte des cartons jaunes et rouges et bam, bam, bam. Mets-les dans le cul de tout le monde. Voilà. Ça, c'est un joueur de foot qui vient pleurnicher contre l'arbitre alors qu'il a triché. T'as triché. C'est dingue ça. T'as triché pour te mettre en avant. Tu qu'est-ce qu'il y a, Amina? Mais j'ai rien dit, moi. C'est ça. Je vais voir trois grosses putes. Mais on s'en a rien à foutre. J'ai pas à parler. Tu fais ce que tu veux après l'émission. C'est un truc de fou, ça, quand même. Là. Bon, allez hop, on y va. Polo démarre donc. Et mauvaise chance puisque tu as commencé à nous casser les burnes là avec ça. Putain, on dirait Amina. Mais sors de ce corps. Je te soutiens et en plus, tu m'injuries. Mais c'est bien fait pour toi. Soutiens-le. En parlant de Polo, bah bravo. Oui, c'est quoi en fait le jeu? C'est quoi le jeu? Deux secondes, je te reprends. C'est Caropé. Allô? Seconde. Bonsoir. Oui, allô? Allô, bonsoir? Oui, attends, j'ai un problème avec le téléphone. Attends deux secondes, je reprends. Allô? Oui. Il y a de la friture, ça marche mal. Vous m'entendez? Oui. Bah, attends deux secondes, je reprends. Allô? C'est pas possible ce téléphone-là. Allô? À qui est-ce que je parle? Allô? À qui est-ce que je parle? Allô? Et puis à deux secondes, je te reprends. Attends deux secondes. Attends deux secondes, je te reprends. Allô? Mais pourquoi ça marche pas? À qui est-ce Allô? À qui est-ce que je parle? Attends deux secondes, je te reprends. Allô? Hop là, 29 secondes, pas mal. T'as mal joué. Pas mal. Bon, pas mal quand même. Augustin, 29 secondes, score à battre. Augustin, il se la ramène moi tout à l'heure. Ouais, c'est la facilité, je prends Polo. Ouais. Bon, t'es prêt, Augustin? C'est forcément la facilité. Ouais. Bon, allez, on y va, Augustin. Bonne chance à toi. N'oublie pas, deux secondes, je te reprends. Ou attends deux secondes, je te reprends. Mais commence pas à dire autre chose. Et puis voilà, il faut interrompre le plus possible. C'est parti, on y va, on appelle. Bonne chance. Bonne chance, Augustin. Évidemment. Sauf que Mina, elle dit ça uniquement dans le but de te faire perdre Polo. Pas du tout. Ah, c'est. C'est un problème de network. Probablement, oui. Allez hop, on appelle un autre. Défends ton pote. Obsédé, ça y est, il nous met ça sur le dos. Défends ton pote là depuis tout à l'heure. Oui, allô. Allô. Allô, oui. Attends deux secondes, je te reprends. Attends, ça capte mal, merde. Tu m'entends? Oui. Allô. Deux secondes, je te reprends, deux secondes. Allô, ça marche mieux là? Ouais, je vous entends. Attends deux secondes, je te reprends. Ah, bien fait, bien taille de jeu. Et ben voilà, c'est une défaite. Augustin, tête de chien. Aïe. Augustin 23 secondes, c'était pas loin, mais Augustin, ça moins que pas. Rien. Bon, Augustin, et la machine à paix fonctionne toujours. Augustin, bon, bah tant pis, malheureusement, c'est perdu. Hein. Je changerai dans bon, bah, oui, hein. Ah, bah oui, c'est pas grave. Bon, tu rejoues avec nous quand tu veux, d'accord? Ouais, parfait. Salut Augustin, à bientôt. Ciao. Mickaël. Rendez-vous ce soir dès 23h sur Énergie. Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times. I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tired trying to fill that void, or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling in all the good times. I find myself des hits et le meilleur du Réco Show sur Énergie. Pour l'écouter, c'est 20h-23h sur Énergie du lundi au vendredi. Le podcast du Rico Show, 20h-23h sur Énergie. Allez, c'est la battle de séduction. Sylvain s'est fait griller, tu vas l'éclater. Sylvain est mort dans le game, nous dit Amélie. Mais oui, tu vas gagner, Rico, nous dit Laurine et Betty, qui dit une fois de plus, Sylvain a perdu, il s'est fait griller direct. Mais c'est pas pareil, attends, ça c'est... Attends, dans je suis d'accord, hein. Ah, jeu d'acteur, oui. Jeu d'acteur, mon frère. On y va, c'est parti, c'est à moi. Derrière, les Offenbach seront là. Pas perdu, hein. C'est qui? C'est Maël. Maël, à mon tour de séduire avec des figures imposées. Maël. Je dois faire Maël. Le cochon, je dois rire comme un con. Et Sarah va me reprocher mes flatulences. C'est bon, ça? Ça sonne, ça sonne. Ouais. Tu l'as dit que je l'appelais Maël? Ouais, ouais, t'inquiète. On passe par un système de conférence pour casser le numéro. Allô? Allô? Ouais, Maël, ça va? Tu m'entends? Ouais, tu m'entends, Maël? Ouais, toi? Ouais, tu vas bien? Ouais. C'est Enzo, ça va? T'as la forme? Ouais, toi? Ouais, ouais. Je suis contente de t'avoir au téléphone. Ouais, ouais. Et ça, elles sont longues, tes petites 15 minutes, là. je suis comme ça, j'arrive pas avec le temps. Tout le monde me le reproche, c'est fou, je rigole parce que je suis en fou rire depuis tout à l'heure. Je suis avec ma mère qui me reproche le même truc, je te jure, c'est un truc de ouf. Là, tu vois. Ouais. Ça va, toi? Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Voilà, rien, je regarde la télé. Ah ouais? Il y a quoi? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Franchement, il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est une pauvre émission sur les familles extraordinaires. Ah ouais? De 7 à 13 enfants. D'accord, hein. Mais c'est quoi ce dos? C'est un truc de ouf! Ouais. Mais pourquoi t'écoutes pas la radio? Ouais. Écoute la radio, moi, ce que je fais le soir, tranquille, je me mets un coup de radio, je mets un coup de télé. Pas. Ah, t'as pas? J'ai pas. Ah ouais, moi, ce que je fais le soir, quand j'ai arrêté avec cette téloche, j'en peux plus. Bah, franchement, il y a vraiment pas. Il y a rien. L'autre jour, je suis tombé sur un truc. Des reportages à la con. C'est des rediffs tout le temps, c'est chiant. Ouais, bah, la TNT, de toute façon, c'est ça. Ah, bah, la TNT. La TNT. Ouais. Putain, c'est la pire invention qu'on ait faite, ça, la TNT. Ça, c'est ça. C'est galère. Ah, ouais, c'est galère. Tu fais quoi ce soir? Hein? Tu fais quoi ce soir, toi, à part ça? Tu vas dormir après ou tu sors un peu comme c'est jeudi, peut-être soirée étudiante, un truc? Tu m'entends? Allô? Ouais. Ah, ouais, tu m'entends? Ouais. Ah, allô, je t'entends de loin. Qu'est-ce que tu fais? Allô? Ouais, qu'est-ce que tu fais? Tu m'entends? Rien. D'accord. Ouais. Tu fais quoi alors, toi? Raconte-moi, tu fais quoi après? Bah, rien. Moi, après, là, je suis chez moi, je suis posé, tu vois. Voilà. Tu bosses demain? Ouais. Ah ouais. Ouais, puis demain, je finis à 22h. Oh là, non, c'est pas vrai. Alors, on boit un verre après demain. Demain, c'est vendredi. Si tu veux, je te récupère, on se boit un verre, on se fait un truc. Bah, demain, non, après excusez-moi. Samedi, tu veux. Excusez-moi. Samedi, on se fait un truc samedi. Oui, madame. J'ai oublié mon sac. Oui. J'ai oublié mon sac tout à l'heure, il doit être là. D'accord. Ah, mais ça pue. Ah, je sais, c'est vrai. Oh là là. Un problème de canalisation. Ah, ça pue, vous avez pété? Non, c'est un problème et de canalisation. Ça pue, ouais. Enzo, ça pue. Ouais. Bon, je récupère mon sac. Oh là là. Allez-y, je sais. On est en train de changer la cuve. On est en train de changer la cuve. Ah là là. C'est un petit employé qui fait l'idiote, là. Elle est jalouse, elle voudrait que je la pécho, son mec la baisse pas, je t'expliquerai. Une histoire de dingue. Et du coup, non mais c'est vrai, elle est affolée la gosse là. Ce qu'elle aimerait, c'est qu'on puisse la... Tu vois, et puis je lui dis non. Ah ouais. Y'a personne qui veut la toucher. Ah, personne veut te toucher. Elle est tellement belle, je te jure. Oh, personne veut la toucher, je peux te dire. Elle a les cheveux gras, on ferait faire de l'huile avec. Oh là là. Oh. Ah bah, je peux te dire, de temps en temps, je me demis, je lui ferais bien la boule à Z. Bon, on se voit samedi, on essaie de se faire un petit truc samedi, du coup, un truc sympa tous les deux. Bah si tu veux, mais. Vas-y, après, moi. Ouais. Où je dis quand même. Ouais, tu étais où, toi? Rappelle-moi. Dans quel coin? À côté de Chartres. Bah, y a pas de soucis, enfin, moi je prends là. Ouais, j'ai ma mère qui est sur Rambouillet, pas loin, après on enquille. Ah oui, okay. D'accord. Bah, après on peut se rejoindre par là. Hein. Bah, on se fait un truc sur Rambouillet, d'accord? Samedi après-midi. Ouais, si tu veux. Allez, je t'embrasse. Ouais, si tu veux. Je t'écris okay, un petit message sur ça. Doucement sur la cigarette, je vois que tu fumes. J'aime pas trop ça. Ouais. Tu fais attention, t'as un petit cœur et tout. D'accord? Ah ouais, je sais. Mais bon, hein, t'inquiète pas, je vais te détendre. Bisous. Bisous. Bonne soirée. Bonne soirée, ma Retrouvez tous les podcasts du Rico Show sur le site et l'appli Énergie et en direct tous les soirs du lundi au vendredi de 20h à 23h sur Énergie.

à tout assumer. On se détend en écoutant Mickaël sur NRJ, c'est à la cool. J'ai fait exprès de prendre cet extrait-là d'ailleurs. Bon, alors, Daniel est avec nous à Nîmes. Allô Daniel. Vive la France. Oui, je suis là. Oui, alors Daniel, bon, tu veux nous parler d'une histoire qui t'est arrivée, toi, avec un vol, justement. Alors, bon, dis-moi. Ça fait très longtemps, parce que j'étais étudiant. Ça remonte à quand? Oh, 1973. Ah oui, d'accord. Ah putain, il y avait le Concorde et tout, quoi. Ma première femme, elle dirigeait une agence de voyage. Eh non, mais t'es pas le mec. T'es Daniel. Daniel, voyageur. Ouais, c'est vrai. Oui, bon, alors raconte. Oui, alors, moi, je faisais des études et elle faisait bouillir la marmite. Et comme elle était dans une agence de voyage, elle avait des billets d'avion gratuits. Et elle préparait nos vacances tous les ans dans un endroit ou un autre, etc. Et cette année-là, elle avait eu des billets gratuits sur Air France pour aller à La Réunion. C'est pas mal. Et on avait été à La Réunion et le vol allait, et c'était bien passé. Mmh. Et quand on voyage comme ça, il y a des billets gratuits. À l'époque, maintenant je sais plus, mais à l'époque, on était considérés comme des gens... Mais vous fumiez dans les avions à l'époque? Hein? Vous fumiez? Pardon? Ça fumait, la cigarette. Ça fumait, bien sûr. Ouais. Bon, il n'écoute pas. Il n'y avait pas de problème. Ouais. Si, il y a un problème. On était un groupe de 10 personnes. C'est fini, oui, mais c'est dingue, ça. Et il y avait des gens d'Air France aussi qui avaient des billets gratuits comme ça. Et au retour, ça, on parle de pilote de l'avion. À Johannesburg, parce qu'on faisait escale à Johannesburg pour revenir sur Paris. Ouais. Il a décrété que, comme l'aéroport de Johannesburg est en altitude, l'avion était trop lourd et il a débarqué tous les GP. Les GP, c'était des gens comme nous. Ah ouais. Les gens qui avaient... Les gros bâtards. GP. Alors, ils nous ont débarqué à Johannesburg et on s'est fait retrouver pendant 10 jours coincés à l'aéroport. Ah ouais, à 10 jours. Et on n'avait plus de moyens de rentrer sur Paris. Oh, mais 173. Bien sûr, mais il y avait un peu moins d'avions de dispo, quoi. Mais en plus, à l'époque, c'est l'apartheid et tout, c'est une galère, Johannesburg. Grave. Il en a rien à foutre, hein, il s'en fout. On rentre tous en groupe, mais on ne rentre pas séparément, parce que sinon, on est cuit. Ah ouais. Alors, on s'est retrouvés 10 jours dans l'aéroport. C'était pas des sauvages, tout cuit. Alors, au début, on a pris ça à la rigolade, parce qu'on avait un peu d'argent sur nous. Alors, le premier jour, on a été visiter un parc zoologique, comme des cons. Enfin, ouais, bon, après, t'en as profité pour visiter un petit peu. Mais aujourd'hui, quand il y a un problème comme ça, en général, ils dégagent des bagages, pas les passagers. Hein. C'est les bagages qui prennent le vol d'après ou un truc comme ça, ils virent pas les gens. Sérieux, on n'a pas pris ça trop au sérieux au début, parce qu'on a dit, bon, Air France va nous reprendre dans un avion. On a envoyé des messages à Paris à des gens qu'on connaissait. Mais nous raconte pas tous les détails, on s'en tape de tes messages et tout. Mais vas-y. Qu'ils nous remettent dans un avion. Mm-hmm. Et puis, on est resté 10 jours comme ça. Et mm-hmm. C'est ma femme qui a débloqué le truc parce que un jour, elle a vu un pilote de British Airways qui passait, mais le vrai anglais, avec les moustaches. C'est pas vrai. Encore des anglais. Avec des chaussures et tout, un anglais, quoi. Il buvait du thé. Et comme elle avait une manière, elle, de manipuler les gens, elle arrivait à le convaincre de nous embarquer. Est-ce qu'Amina peut arrêter? Non, mais ça, c'est quand même exceptionnel. Est-ce que les potes d'Amina peuvent arrêter d'appeler, là? Il y a qu'en 73, dans les années 70, tu pouvais rencontrer un pilote, tu dis, bon, tu peux pas me mettre sur ce vol-là. Ouais, t'inquiète, attends, je gère. C'est bon, allez, viens, reste à la place. Alors, le mec, à l'époque, tu rentrais à l'aéroport comme tu es chez Carrefour. Ouais, mais là, attrapé au vol, comme ça, le mec. Ah, au vol, c'est-à-dire qu'il était à 10 000 mètres et bam, hé, mec. Ils ont sauté comme ça, de l'aéroport. C'est bon, ça. Elle l'a attrapé, elle l'a convaincu, il nous a embarqué. Ah, ouais, d'accord, ok. Eh ben, dis donc. Elle nous a ramené sur Paris, mais on commençait à être dégueulasse parce qu'on pouvait pas. Après 10 jours, oui, je veux. Non, c'était là, vraiment, on se voyait mal. Hein. Ouais, bah j'imagine, ouais. Bah, ça a été une aventure, vraiment, c'est la seule fois que ça nous est arrivé en voyageant comme ça. Mais vraiment, c'était pas... Bon, bah, merci Daniel. Ouais, de rien. Allez, tu rappelles quand tu veux. À bientôt, Daniel. C'était probablement la plus vieille histoire. Hein. Bah oui, un problème d'avion dans les, 73. T'imagines un peu quand même. Mickaël. Rendez-vous ce soir dès 23h sur Énergie. Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. Vamos a romper la frontera con un olé. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España a Brasil hasta Panamá, Puerto Rico también lo sienta y Venezuela que lo muevan. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España a Brasil hasta Panamá, Puerto Rico también lo sienta y Venezuela que lo muevan. Que lo ve. 1, 2, 3, go. Que lo ve. La Hindi Mashup. Le meilleur du Rico Show sur NRJ. Pour l'écouter, c'est 20h-23h sur NRJ du lundi au vendredi. Le podcast du Rico Show, 20h-23h. Sur NRJ. On va se faire une patate shot, d'accord? Je vais vous poser des questions et on va sélectionner les personnes. Vous allez arriver au standard, 0870 42 48, et vous allez choisir la personne qui va vous représenter. On a besoin d'un témoin pour le jeu. Je vais vous expliquer, tout le monde ne jouera pas. Il y a une personne qui va rester sur le carreau. Ça va, Sonia? Oui, super. Salut ma Sonia, merci. Salut. On fait 0870 42 48. Ah, je sais, on a éliminé JM. Pourquoi? Parce que JM est le plus intelligent de la bande. Ah, ça va. Comme il est le plus intelligent et que le but c'est que ce soit équilibré, ouais, on a dit on va laisser le neuneu et ça. Super. Il aime bien le banc de touche, lui, c'est pour ma ça. Ma Sonia, ouais, qui ça, veux-tu pour représentant pour cette patate chaude? Vas-y. Alors moi, Sarah. Ah. Très bien. Salut Richard, tu veux qui pour te représenter, mon Richard? Salut Rico, César. Très bien, César, tu représenteras Richard. Chaque fois que tu perdras, il perdra aussi, d'accord? Je ferai de mon mieux, pour le ballon d'or. Salut Benjamin, ça va mon poulet? Salut tout le monde, ça va? Ça va, qui pour te représenter, Benjamin? Alors moi c'est Dorian. Dorian, très bien. Salut Vanessa, qui pour te représenter, ma petite chérie? Du coup, il reste que Sylvain. Salut toute l'équipe, salut Offenbach. Bah écoutez, je vais choisir Sylvain, mais je l'aurais choisi quand même. Ça c'est pour motiver l'âne. C'est la carotte qui fait avancer l'âne. Attention les amis, on démarre avec les questions. Vous connaissez le principe de la patate chaude. Si vous répondez, la patate passe à l'autre. Une minute de patate chaude et des places pour le ballon d'or. Si vous êtes éliminé, vous faites perdre la personne que vous représentez. Et chacun votre tour. Chacun votre tour, ça démarre à partir du neuneu. Sylvain, on y va, top à la patate. C'est parti. Dans quel pays se trouve la ville de Cardiff, Sylvain? Cardiff, la ville? Dans le pays, c'est déjà une ville. Ah, Pays Basque. Oh là là. C'est le pays de Galles, bouffon. Oh là là. Que veut dire Black Friday en français, Sylvain? Vendredi noir. Bonne réponse. Attention, Dorian, quel est l'ancien ministre de l'écologie qui était présentateur sur TF1? C'est Nicolas Hulot. Bonne réponse. Attention, mon César, la marque Skoda est d'origine allemande ou tchèque? Tchèque. Bonne réponse. Oh, combien y a-t-il de voyelles dans le mot affichage, Sarah? Affichage. Y. Hein? C'est des consonnes. A, E, 3. Non. 4. Bonne réponse. Attention, Sylvain, dans quel type de restaurant peut-on trouver des menus B2? Japonais. Ouais, asiatique. Bonne réponse. Le mafé est originaire de quel continent? Dans rien. Brésil. Le mafé. Je ne sais pas. Le mafé, un continent. Je ne sais pas. Afrique, j'en sais rien. Bonne réponse. Attention, mon César. Le maté est une boisson traditionnelle qui nous provient de quel continent? Asie. Mauvaise réponse. Ah non, c'est d'où? Sud-américain. Sud-américain. Eh ouais, le maté. Eh ouais, les gars. Le maté. César. Ça fait l'histoire étudiante, mais c'est Richard. J'ai fait perdre Richard, du coup. Oh le bâtard. Excuse-nous, le mec a pas su dans quelle ville était Cardiff. Ah ouais, alors c'est passé le premier tour. Il nous a dit c'est au Pays Basque, le mec. En fait, j'avais un dé. Ok, c'était une bombe à retardement, j'avais pas compris. Ah, j'ai pas eu de chance. Tu connais pas la patate chaude, ça va. Non. Je suis désolé, Richard, c'est perdu. Richard, je suis désolé, ouais, là j'ai vraiment pas eu de chance. Tant pis. Bisous, mon Richard, on va te faire un petit cadeau quand même. Tu raccroches pas, Richard. Ça marche. Bisous, mon Richard, les habits. La pression monte, la tension monte. On y va, on repart pour un tour. Le neuneu, Dorian et Sarah. Oui, t'inquiète pas. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Attention, top à Sarah, on était à toi. Si le sablier mesure le temps grâce au sable, avec quoi fonctionne un quoi? Clepsydre. Avec des clopes. Je sais pas, avec des cleps. Des yinches. Ah non, dans Fort Boyard. Ah non, ah pardon, avec de, tu sais, du un liquide. Clepsydre. Du liquide. De mercure. Oh, c'est de l'eau. Je sais pas. Très bien. Quelle partie de l'œuf est utilisée pour fabriquer la meringue? Ah bah le blanc. Bonne réponse. Le neuneu, quel genre de reptile peut être à sonnette? Le serpent, bah. Attention, Dorian, par quel mot désigne-t-on un escalier en hélice? Un escalier à colimaçon. Bonne réponse. Oh. Attention, Sarah, quel mot latin signifie de même? Dos memos. Arrête, c'est un samosa, ça. Non, c'est idem. Quel pays a une feuille d'érable rouge sur son drapeau? Ah, le Canada. Bonne réponse. Avec l'anglais, quelle est l'autre langue officielle des Jeux Olympiques, Sylvain? Avec l'anglais. Facile, ouais. Monsieur Olympique. Les Grecs. Les Français. Sylvain. Bah quoi, les Jeux Olympiques? C'est français. C'est français. C'est français. C'est français. C'est français. C'est français. Attention, Sylvain, lors d'un mariage, quel est le nom? C'est fini. Bah, mais ça. C'est fini. Tu sais, les Jeux Olympiques, c'est pas grec. Mais c'est français. Mais oui, évidemment, c'est français, la langue officielle JO. Oh là là. Pierre de Coubertin, plein de combats. Pierre de Coubertin, ça n'a rien à voir, va. Mais si, c'est ça. J'ai regardé Astérix, c'est les 12 travaux là. Il y a eu la Grèce antique avec les Jeux Olympiques. Mais après, lui, il a amené ça au goût du jour. Retrouvez tous les podcasts du Rico Show sur le site et l'appli Énergie. Et en direct tous les soirs du lundi au vendredi de 20h à 23h. Sur Énergie. Lately, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. When the morning comes and we see what we've become. In the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back. Cause with all that has happened, I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute, I want to change my mind. Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirit. Jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind. Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits. I want to see you smile. No, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. So I'll go, I will go. So I'll go, I will go. Lately, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. Even though I might not like this, I think that you'll be happier. I want you to be happier. Then only for a minute, I want to change my mind. Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirit. Ça arrive, c'est un énorme hit, clairement. Koé l'adore. Il a reçu la semaine dernière sur Énergie. D'ailleurs, vous pouvez retrouver le podcast sur énergie.fr ou sur les réseaux sociaux de Koé. Et Koé, c'est ça, 17h-20h dès aujourd'hui sur Énergie. 17h-20h, c'est Koé sur Énergie. La boulangerie Chauvin de Kellen Singo a gagné le concours de la meilleure frangipane. Oh là là, ouais, c'est voilà. On va les féliciter, les amis. On va leur dire bravo, la meilleure frangipane. La galette des rois, on va en bouffer. Hein. Oui, ah, j'adore ça. Moi. La première j'aime bien, la deuxième j'aime bien, et puis la troisième quand t'es monté sur la balance t'as plus envie hein. Parce voilà. Qu'une part c'est 600 calories. Oui, c'est beaucoup. Ça 600 c'est calories, du beurre et du beurre. C'est violent. Et du beurre, et des fois ils rajoutent du beurre, c'est ouais. Pas assez beurré ça. Donc, alors... Mais des fois la fève elle est en beurre. Vous savez quoi, il faudrait les appeler pour leur dire bonjour à la Cyril Lignac. Qui est ouf. Ah oui, tu fais Cyril Lignac. À la Cyril Lignac, Mercotte, le craquant, le fondant. Tu veux faire Mercotte? Ah bah oui. Ah Mercotte, tu fais. Ok, je fais Mercotte. Ça va lui faire plaisir. Tu fais super bien Mercotte. Elle va être contente, Mercotte. Voilà. Ah, rigole pas toi. Mais là c'est important le craquant, le fondant. C'est une aventure humaine hein, la cuisine. C'est bien sûr. Bonjour. C'est la boulangerie. Allô, je voulais vous dire bravo pour la frangipane. Merci, c'est gentil. C'est Cyril Olignac à l'appareil d'M6. Oh, c'est des conneries. Mais pas du tout, madame. Je suis avec Mercotte. Je voulais, on voulait vous... Vous voulez vous dire bravo? Oui, allô? Allô? C'est le patron? Oui. Le patron, mais quand ça me fait rire? C'est Cyril Lignac à l'appareil. On voulait vous dire bravo pour la frangipane. Bah c'est gentil, merci. Voilà. Rien que d'y penser, j'ai un orgasme pâtissier tellement il paraît qu'elle est bonne. Ah ouais, d'accord. Elle est comment? Est-ce qu'elle est au niveau du croquant, au niveau du fondant? Elle est comment, là, la frangipane? Ah ben, elle est top. Elle est au top. Elle est au top. Mercotte, tu aimes beaucoup? Alors, elle est en train de dire que elle voulait savoir comment vous pétrissez le beurre avec la poudre d'amande. Vous le faites vous-même? Tiède, le beurre, hein? Tiède. C'est le beurre, oui, tout est fait nous, maison, quoi. Non, mais il faut qu'il soit tiède maison, qu'on sente le parfum doux et amer de la crème qui nous glisse entre les doigts au deuxième orgasme pâtissier. D'accord. C'est une entreprise familiale, la boulangerie? Ah non, c'est une entreprise qu'on a repris. Ah, vous avez repris, donc il n'y a pas le papa pâtissier, la maman tissier, les enfants tissiers? Si, il y a un pâtissier aussi. Y a le papa pâtissier, d'accord, c'est beau, c'est bien, c'est belle aventure humaine, ça c'est bien. Quand est-ce que je goûte cette frangipane? Ah, bah, mois de janvier. Faut nous en amener une à Paris. Ah, Paris, ça m'étonnerait, hein. Ça sera compliqué. Par la poste, si vous voulez, mais... C'est parce qu'on va faire des nouvelles émissions sur M6, vous voulez pas qu'on vous embauche? Non, merci, ça va aller, non. On va faire recherche pâtissier ou appartement. Un pâtissier dans votre maison, non. On va faire turbo pâtissier. Et l'amour est dans le pâtissier. C'est les nouvelles émissions à base de pâtissier. Mercotte. Guy. Il est adorable, ce monsieur. Oui, gentil. C'est quoi votre prénom? Grégory. Grégory, je m'appelle Coé. Je suis désolé. D'accord. Je ne suis pas Cyril Lignac. Et on voulait quand même vous dire bravo, on est sur Énergie. Bravo. On voulait réellement vous dire bravo. Et vous savez quoi? On a réellement envie de la goûter. Faudra nous l'envoyer. Hein. Ah ben, il n'y a pas de souci. On peut s'arranger, il n'y a pas de problème. D'accord, je vous embrasse fort. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. C'est pour ça qu'on est fait. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire.

Salut tout le monde, bienvenue sur Énergie. Et c'est l'horoscope de ce lundi 26 novembre. Et je vous souhaite une bonne journée d'avance. Énergie, l'horoscope. Et je commence par les béliers. Si vous êtes libre, ce qui est très bizarre de dire comme ça, mais je lis que le journal, hein, vous aurez de fortes chances de tomber amoureux. Les scorpions, ménagez vos nerfs et ceux des autres en évitant de manifester votre agacement. Les taureaux, agissez, réalisez, vous parviendrez à maîtriser toutes les pensées pessimistes qui vous trottent la tête. Les capricornes, plaisir et bien-être en ménage seront au programme. Posez des jalons pour l'avenir, la chance, ça ne s'improvise pas. Pour vous les vierges, attention, la déesse de l'amour et de la sensualité pourra aussi vous incliner à une gourmandise excessive. Les gémeaux, votre équilibre financier est stable et va le rester cette fois. Vous n'aurez donc pas de réelle inquiétude à vous faire. Les cancers, méfiez-vous des loteries publicitaires organisées par des entreprises de vente à distance. Elles font miroiter des gains fabuleux. Les lions, cette journée sera pour vous l'occasion de vous découvrir des ennemis que vous ne connaissez pas, de percer à jour leurs intentions. Les balances, plusieurs planètes s'allieront pour vous doter d'une forme et d'un moral à toute épreuve. Ne gaspillez pas votre énergie, sachez décrocher quand c'est possible. Les sagittaires, vivent la détente, vous aurez en effet besoin de beaucoup de repos afin de bien recharger vos batteries et de permettre aux défenses de votre organisme de fonctionner le plus efficacement possible. Et enfin, pour vous les poissons, attention aux disputes et aux conflits. Évitez de remettre sur le tapis les questions litigieuses, notamment financières. C'est la suite de la playlist Énergie avec un titre qui fait plaisir honnêtement. Je l'écoute en boucle, on le partage ensemble, c'est Dadju. Et c'est aussi la suite du best-of de Manu dans le 6-9 qui sera là à 6h en direct sur Énergie. Tous les matins, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Bonjour Clémence. Salut Manu, salut les ronds. Salut. Hello. Quel est ton petit toc au quotidien? Faut que je sois systématiquement en mouvement quand je suis au téléphone. Je peux pas ne pas bouger. Faut que je marche. Tu fais du sport en même temps, hein? Bah ouais, ouais, voilà. Pas mal. Et tu peux pas téléphoner aux toilettes du coup? Non. Si, mais c'est compliqué pour celui d'après. Oh, oh là là. Manu dans le 6-9. Manu, allez. 6h-9h30 sur Énergie. Entretenir un violon, ça se fait chez un luthier. Entretenir une montre, ça se fait chez un horloger. Entretenir une BMW, ça se fait chez BMW par des spécialistes. BMW Service, des experts passionnés au service de votre BMW. Et jusqu'au 14 décembre, profitez de tarifs préférentiels si votre BMW a plus de 5 ans et de 50 euros de remise supplémentaire pour tout rendez-vous en ligne. Offre soumise à condition chez les réparateurs agréés BMW participant à l'opération. Détails sur bmw.fr. Gagnez des consoles PS4 Pro pour la sortie du film Robin des Bois avec Énergie. Tu étais un noble, mais à présent tu vas devenir un voleur. Et je vais te montrer comment. Écoutez Koé de 17h à 20h sur Énergie et gagnez des consoles PS4 Pro. Tu es Robin des Bois. Robin des Bois avec Taron Egerton et Jamie Foxx le 28 novembre au cinéma avec Énergie. It's music only. Gagnez sur Énergie 1000 euros en jouant avec Best of Logo. Le jeu sur les marques du quotidien. Oh, merci Manu, merci l'équipe, vous êtes super, merci beaucoup. Écoutez Manu dans 6-9 de 6h à 9h30 et remportez 1000 euros et le jeu Best of Logo. Energy, it's music only. Energy. My circuits are blown. I feel so alive. My life just blew up. I'd give it all up. I'll depressurize. Ah, 10,000 miles left on the road. Ah, 500 hours till I am home. I need something. And I need the time.

Il fera plutôt doux aujourd'hui sur toute la France. Ce matin, quelques nuages de l'Alsace à l'Aquitaine ainsi qu'en Rhône-Alpes. Pour les températures, il fera 6 degrés à Brest, Paris et Lille, 8 degrés à Lyon, Tours, Reims, Limoges 9 degrés ainsi qu'à Cannes et 13 à Ajaccio. Alors pour cet après-midi, le ciel se découvre très légèrement sur la Bretagne avec du soleil qui pointera le bout de son nez, tandis que la pluie sera au rendez-vous sur la majorité de la France comme à Alençon, au Havre, à Biarritz, Grenoble aussi. Du côté des températures, il fera 9 degrés pour Clermont-Ferrand, 10 à Rennes, Cherbourg pareil, Toulouse pareil. Et pour finir, les maximales de la journée seront pour Montpellier, Ajaccio et Nice avec 12 degrés, pas mal. Voici une prod de ouf, deux Français qui déchirent tout en ce moment, ils ont la cote, c'est Offenbach sur NRJ.

Bienvenue sur Énergie, 5h55, je vous annonce une grande journée aujourd'hui. Ah ouais. Quelqu'un va gagner 10 000 euros. Ouais. Et nous, on ne sait pas à quelle heure nous terminons l'émission aujourd'hui. C'est vrai. Ouais. Je vous explique tout dans quelques minutes. Le son à 10 000 euros n'a toujours pas été trouvé. Et j'ai dit que je voulais qu'il soit trouvé aujourd'hui. Il sera trouvé aujourd'hui. Allez, il faut qu'on reste à l'antenne jusqu'à 22h ce soir. Nous resterons jusqu'à 22h. J'ai mon sandwich. Ok. Ah, d'accord. Oui, j'ai prévu le coup. Ouais, et autant vous dire que j'en ai pas pour vous. Merci. On va vous expliquer tout ça après les infos de 6h. Soyez les bienvenus. On démarre la journée ensemble. Une nouvelle semaine qui arrive. Nico est en face de moi avec ses petites lunettes. Bah oui, toujours, nouvelle vie. Il a des lunettes depuis la semaine dernière. Classe, ouais. Hein. Que de compliments, ça a l'air de m'aller. Ou alors tout le monde me ment. Mais alors toi. La vérité Non, pas sûr. Oh, ok. Vas-y, on enchaîne. Avant de démarrer à 6h, comme chaque matin, c'est le club du 5-5-5. On est entre nous, tranquillement, à 5h55. Et on se fait un petit plaisir. On s'écoute un titre qui va nous lancer la journée. Et aujourd'hui, nouveauté. Ah. Nouveauté, Sigala. Et là, vous dites, mais qui est Sigala? Ah. Ouais. Eh bien, je crois qu'elle est allemande. Ah, c'est une fille? Oui. J'ai dit allemande? Ouais, ouais, parce que moi je sais que c'est un DJ, mais je sais pas du tout si c'est une fille ou un garçon. Ah non, mais parce que c'est une fille qui chante. Ah, oui. Okay. Ouais. Oui, bah, bref. Bon. Le pauvre. C'est pas grave. La vérité, j'en sais rien. Okay. J'ai vu un truc marqué en allemand, je lui ai dit elle doit être allemande. Ok, d'accord. Il s'appelle Bruce, il est anglais. Voilà, ah. Pour info. Et pourquoi il s'appelle Sigala alors? Bah, je sais pas du tout, c'est un pseudo quoi. Bah, ah, voilà. C'est tout. Écoute, vous savez quoi? Je l'ai écouté hier, m'emmerdez pas. Okay. Je trouve ça bien, je me fous que ce soit un mec ou une nana, moi je suis pour la parité. S'il veut, il met son gilet jaune aussi. Ça m'est égal, j'aime tout le monde. Okay. Et j'aime ce titre, ça s'appelle I Got Paid. Et ouais. Franchement. Pour le coup, ça va vraiment vous lancer la journée. Ah. Il y a des titres comme ça, ça me fait penser un peu, vous rappelez, de Madcon, Don't Worry. Ah oui. Yes. Et ben voilà, ça a donné le sourire, ça faisait plaisir pour démarrer la journée. Et ben ça, c'est pareil pour moi. Okay. Il est 5h56, c'est pour vous. Vous allez aimer. Croyez-moi. Laissez-vous aller. I should grow up someday, 'cause I got bills to pay. I can't be waking up at someone else's place. I know I drink too much, can't pay my rent this month. I should be saving up, but I just got paid. I'm broke but I'm ballin', don't know where we're going. We go in when we go out. I just got paid. I'm broke but I'm ballin', don't know where we're going. We go in when we go out. I just got paid. I just got paid. Well, it feels like it's 3 days a holiday, so I can't take my check to the bank. And I know, know, know I should be worried, but I work, work, work to the bone, baby. So give me that, give me that, give me that, give me that, give me that, give me that, give me that, hey. Give me that money. I said now give me that money. Don't bother nobody. La-di-da-di. Walk up in the party. Sports bra, sport car drive. Show up, show out. Bow in, bow out. Go in, go out. So rock, we bow out. I got more diamonds. Ladies. ladies be the finest. Crush grapes, we don't do the wine. Crush dinner, top spinner. Coop me, front griller. Got paid, hop the G5 faded. Rope chain shell toes, wavy like a sailboat. When you hear the hand, there you go. Montana with the funky sound. Cigala got the London sound. I should blow up, they say. Stuck in my glory days. I know there's nothing wrong. It's just a passing phase. And when I've had my fun, I swear I'll be someone. I know.